parution de nouveaux timbres coréens. Ils représentent la maison de retraite de Pyongyang, l'arbre national coréen, le pin, le costume traditionnel coréen et diverses plantes médicinales.